OVNI présent dans le passé, au futur et en ce moment. Les Itidengs sont les détonateurs armés. 5 à 3, 2, 1, le 0 est exclu des ronds inconscients. La cosmique bombe va exploser, OVNI présent dans le passé, au futur et en ce moment. Les Itidengs sont les détonateurs armés. 5 à 3, 2, 1, le 0 est exclu des ronds inconscients. La cosmique bombe va exploser. L'original vaisseau non identifié s'est télétransporté dans l'atmosphère du RAP. Les contrôleurs aériens n'ont rien détecté, sauf que dans l'anonymat la populace s'est focalisée sous les projecteurs. La présence des Itchis devient attrayante. Les ennemis des pas d'échappe en tout une effaissance intelligente. Nos flots glissent à travers les barrières menaçantes. Les interlocuteurs déformant les messages d'entente. Nos apparitions furtives provoquent des hystéries. Le monde s'ouvre à une nouvelle ère, celui des Itchis. Vague cosmique qui divulgue nos attentions définies. J'éclaire des lumières sur le cosmos avec les pics à l'appui, qui jaillit avec force et rage. Égal au tonnerre, le mystère de tes propos agit en effet de serre. Sous les doublures des MC balancés en courant d'air, le vent en poupe, nos troupes se posent parfaits pour la guerre. Car les chers onifs, l'extra hip hop, terrestre de l'OVNI présent pour dévoiler la vision d'un être appelé E.T. Il la voit derrière ceux qui ne perçoivent pas de peur d'être meurtri sur un territoire où les amis sont des ennemis. OVNI présent dans le passé, au futur et en ce moment. Les Itidengs sont les détonateurs armés. 5 à 3, 2, 1, le 0 est exclu des ronds inconscients. La cosmique bombe va exploser, OVNI présent dans le passé, au futur et en ce moment. Les Itidengs sont les détonateurs armés. 5 à 3, 2, 1, le 0 est exclu des ronds inconscients. La cosmique bombe va exploser. Le Crous manifeste dans un concept à part, doté du Galactical Style. Le MIC, je m'en bats. Participe de bout en bout à l'éclosion de mon produit. Sorti d'un OVNI, est-ce que ma mission s'accomplit? Arrêtez de crier, car au crew, avant l'heure, nous investirons l'industrie du showbiz en douceur. Façon Edgar de la Cambriole, Jackleman et Provoleur. Et E.T. Deng prennent place sur le trône spatial de l'Empereur. Il faut les arrêter immédiatement. J'ai été kidnappé par les extraterrestres. Ils ont fait des tas d'expériences sur moi. Ils nous étudient depuis des années. Ils ont découvert nos faiblesses. Il faut les arrêter immédiatement. Ils vont tous tuer. Sur le dossier, troisième type, fréquemment surnommé. Notre présence est comme un cheveu sur la pessoue de nos détracteurs qui cherchent nos dépouts. Seule la puce, logée au fond de leur oreille, sonnera le clou du spectacle de leur débâcle face à une omniprésence spatiale diffusant sur les ondes le supra-rap anormal. Du vaisseau issu d'une constellation formée de 5 étoiles. Prends des clics et des claques, les men in black prennent des claques, claques galacticales. OVNI présent dans le passé, au futur et en ce moment. Les Itidengs sont les détonateurs armés. 5 à 3, 2, 1, le 0 est exclu des ronds inconscients. La cosmique bombe va exploser, OVNI présent dans le passé, au futur et en ce moment. Les Itidengs sont les détonateurs armés. 5 à 3, 2, 1, le 0 est exclu des ronds inconscients. La cosmique bombe va exploser. Sous la pression, en fusion, je perce comme une averse de météore. Dans l'atmosphère, percute mes adversaires. Tout azimut chute sans parachute, vu le phénomène sur toutes les chaînes. Du petit écran au grand, je perdure, crée l'événement de cette fin de siècle. Dans l'hémisphère, les langues des élus délibèrent devant la part qui génère. Mes vers lancés du vaisseau mère prennent une apparence humaine pour conquérir la terre sous mon influence. Dans le ciel du hip-hop apparaît une puissance perceptible. Son télescope de barrière forte de France, les consciences éventent. L'indépendance absente reste omniprésent pour rester demain omniprésent. Shoot les chromis, l'ennemi en position de repli. Objectif, envahir le business avec une stratégie. Chaque IT se doit d'être opérationnel, y aura toujours de la réplique. Même si en cas de querelle, à chaque moment, à chaque instant, taf des nouveaux phrasés. Performant, reste de bronze muni d'un mental d'acier. Comme un carnassier, dans mes griffes, froisse la mélodie. L'univers est infini, dans les étoiles, je puise mes aspis. OVNI présent dans le passé, au futur et en ce moment. Les Itidengs sont les détonateurs armés. 5 à 3, 2, 1, le 0 est exclu des ronds inconscients. La cosmique bombe va exploser, OVNI présent dans le passé, au futur et en ce moment. Les Itidengs sont les détonateurs armés. 5 à 3, 2, 1, le 0 est exclu des ronds inconscients. La cosmique bombe va exploser. Fin du compte à rebours.